son rayon de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Hola, bon dia la planeta, la familia. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable nuit. Coucou Elodie qui est déjà connectée. Céline aussi qui est là du côté de Saint-Privé, Saint-Mémin. Belle journée aujourd'hui, on est jeudi, on est le 28 avril. Merci d'avoir choisi Radio Arc-en-Ciel. 96.2 FM, 02 38 43 48 00. C'est le standard. José qui est là aussi dans le camion. Ça y est, c'est parti pour le boulot. Salut mon José. Belle journée, courage à toi depuis 6h. Il est au taf le mec. Et bah ouais, on pense à vous avec le meilleur des souvenirs pour bien démarrer cette matinée. Et Whitney Houston, Step by Step. Arc-en-ciel, 7h05, step by step, jour après jour, day by day, pas après pas, mais c'est l'inverse, mais c'est pas grave. Avec le meilleur de la souvenir, Whitney Houston. La météo pour aujourd'hui, le ciel est plutôt ensoleillé. La météo. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour bien démarrer ce week-end. Je peux vous dire, une belle météo qui s'annonce aujourd'hui. Du soleil sur Orléans, les températures vont monter jusqu'à 22 degrés. Ça sera la journée la plus chaude. Le soleil sera bien là, encore même vendredi, samedi. Dimanche, quelques nuages, et on remet ça lundi et mardi avec du soleil. Le retour de la pluie, pas avant mercredi normalement, avec les prévisions de Météo France. Voilà, donc histoire de passer un bon week-end ensoleillé. Du son qui arrive à Gims, et je me tire la version reggaeton en direct ce matin. 7h, 9h, Francky le matin sur Arc-en-Ciel. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Edouard Nock, connecté du côté de Saint-Privé, Saint-Mémin aussi. Olivier, Saint-Jean-de-la-Ruelle, merci d'être là Francky ce matin, bah, on vous remercie. La version reggaeton, Maître Gims comme on l'appelle. Et je me tire le meilleur des souvenirs. Belle journée, bon réveil. 7h06 minutes. 10. Belle journée ensoleillée aujourd'hui avec Gims. Je me tire et demain, ne ratez pas notre invité vers 8h, 8h30. Il sera dans les studios de la radio Star 80. Peter de Peter et Sloan sera là. Bah oui, forcément, ça me rappelle des souvenirs, ça. Eh ouais, la star de Star 80 sera dans nos studios de radio. Ça sera demain matin, un rendez-vous, interview à ne pas rater. Peter dit Jean-Pierre Savelli, il avait fait aussi le dessin animé, vous vous rappelez, Goldorak. C'est lui qui chantait, bah ouais. Donc il sera là dans nos studios pour nous raconter un peu sa belle carrière de 40 ans déjà. Et puis bah, un album qui arrive, un nouvel album, Jean-Pierre Savelli qui part en solo. Et là, il faisait la Star 80 avec Peter et Sloan, le groupe magique des années 80. Ne ratez pas demain matin en interview, en direct à la radio. Et merci à Titi, Tiane. Notre ami Lucenzo qui arrive, le fidèle habitué de la radio Lo. C'est vrai, on l'adorait, vous l'adorez. Il est venu pas mal de fois quand même sur Radio Arc-en-Ciel. Voici Danza Kudoro. Radio Soleil, dès 7h avec Francky. Coming Sunday. 7 sur Radio Arc-en-Ciel. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Ah, c'est ce que nous dit Stéphanie, sous le soleil ce matin, ça fait du bien de voir le rayon de sol qui arrive jusqu'à toute la journée. Hein. Vous allez pouvoir en profiter pour en bronzer aujourd'hui. La séance bronzage, peut-être pour vous au bureau, vous savez, entre midi et deux, là, la pause déj, hop, sur la terrasse, avec la petite crème qui va bien, ça va vous faire du bien. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne journée. Steph qui est connecté, salut, apparemment c'est l'anniversaire de Majax, le magicien, pour les anciens qui connaissent. Les jeunes connaissent pas, mais les anciens connaissent. Happy birthday to you, voilà, du son qui arrive avec Kongs, et puis on va vous parler du bal de la radio juste après. Le meilleur de la musique, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Kongs, le meilleur de la musique. Belle journée et bon réveil. Radio Arc-en-Ciel, 7h21 minutes. Merci d'être là ce jeudi matin. Aujourd'hui, on est le 28. Ça passe, hein, la fin du mois, bientôt. Bientôt la paye. Eh ouais. Heureux d'être là. C'est Francky dans la radio avec Kongs. Ça sent le son des clubs, hein. Ce week-end, vous allez peut-être faire la fête dans les discothèques. Eh bien, voilà un titre qu'il faut sur le dance floor. Eh ouais. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Et vous allez aussi aller sur le dance floor avec la radio. Ça va se passer ce samedi, le 30 avril, à partir de 21h. C'est à la salle des fêtes de Saint-Privé, Saint-Mémin, le grand bal de la radio Arc-en-Ciel. Avec sur scène la chanteuse portugaise Agatha et puis Capanegra seront là aussi. L'entrée de 10€ et 8€ pour les adhérents. Une belle soirée, Radio Arc-en-Ciel à ne pas rater. On vous rappelle la date, c'est ce samedi, le 30 avril, à partir de 21h. Et c'est à Saint-Privé. Saint-Mémin, sur scène Agatha et Capanegra. Belle journée, bon réveil, courage à vous si vous allez au taf, peut-être bientôt en RTT, en télétravail aujourd'hui peut-être. Eh bien, on vous souhaite une bonne matinée. 7h22 minutes sur Radio Arc-en-Ciel. King V qui arrive avec un métier sérieux. Bah oui, animateur radio par exemple, c'est pas sérieux. Bah non, pas du tout même. Pas du tout. Voici le mec qui est parti vivre à Tahiti. King V et métier sérieux. pense que ma mère va encore m'inventer ce souci. Car l'année dernière, elle m'a posé quelques soucis. Elle se lève, porte un verre, elle s'adresse à moi et me dit. Franchement, il a choisi le bon pays. Ah ouais, au soleil, Tahiti, tranquille, ça va, ça bronze. En tout cas, on lui souhaite une belle journée. On sait qu'il nous écoute des fois sur le net là-haut et ça me fait plaisir. On avait participé à l'écriture de J'aimerais être calme-même avec Saint-Ange, mon ami Saint-Ange, que je salue au passage, la famille du collectif métissé. Francky dans la radio, Christine qui est connectée, 96.2 FM sur Saint-Privé-Saint-Mémin, Orléans, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saran, Olivet, vous êtes là, vous êtes nombreux le matin et ça nous fait vraiment, vraiment plaisir la famille. Heureux d'être là, Christian qui est là ce matin. Salut Francky, belle journée sous le soleil, 22 degrés aujourd'hui, bah oui. Et lui il arrive, Yanns, cartonne, clic clic, pam pam. Bah ouais, c'est comme ça les titres maintenant. Belle journée, bon réveil. T'es trop séduisante, t'es tellement chouchou. J'sais pas ce qui s'est passé. Je pense à toi chaque jour. J'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il y a plus de nous. J'fais mieux t'effacer. J'sais pas à quoi tu joues, mais j'peux pas oublier le passé. J'peux pas oublier le passé. Oublier le passé. T'es tellement chouchou. J'peux pas t'effacer. T'es la plus belle des étoiles. Ça, c'est le tube qu'il vous faut le matin pour aller au boulot. Ça donne la patate chauvance. Yanns, c'est vrai que c'est le mec qui cartonne en ce moment. Francky dans la radio jusqu'à 9h. On est là pour vous souhaiter une belle matinée. Courage à vous si vous venez d'arriver du côté d'Orléans. Saint-Privé-Saint-Méma ou alors encore la chapelle Saint-Méma. Vous nous écoutez sur le 96 FM, l'île de la Réunion. Ce matin, histoire de vous donner la patate avec le soleil qui est bien. On a rendez-vous, 22 degrés. Aujourd'hui, ça va, tranquille. Voici Willy William et toute la troupe. de la Réunion, le soleil. On nous écoute aussi sous la douche. Il y a Olivier et Joël qui sont là. Le meilleur de la musique, le son des clubs qui arrive avec Sun At Legend, la prise de Méliac. Belle journée, 22 degrés aujourd'hui, c'est la température annoncée, alors profitez-en. Méliac 2022. Ça fait du bien, un peu de sport le matin. La bande originale de Flashdance, Maniac, version 2022. Francky dans la radio. Mon poteau Willy William qui revient avec ce titre mondial planétaire. Ça fait du bien, ça fait du bien le matin. Un petit Willy William, trompette. Bon, c'est vrai, faut être honnête, hein, ça ressemble à du Farouko quand même. Pépasse. Bah ouais, en tout cas, c'est Willy William. Il est bien là, il est bien chez nous. On lui souhaite une très bonne journée sur Radio Arc-en-Ciel. Et attention, parce qu'en ce moment, il y a une grève à l'hôpital. Les urgentistes sont en grève, ainsi que les infirmiers, depuis un mois. Donc, allez pas vous couper quelque chose, hein. Faut vraiment que ça soit urgent, urgent. Le son qu'on adore le matin pour bien vous réveiller. Time, time, time, DJ Arnolds. On l'adore. 7h40 sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, bon petit déj si vous venez d'arriver. Courage à vous pour le taf. Allez, c'est le week-end qui approche. Eh oui, ça sent le soleil aujourd'hui. 22 degrés. Pas penser à les années 2000 avec Ozone, les Roumains, Dragon Stan on Day. Ouais, c'est ce que nous dit Ludo sur le net. Salut Francky, belle journée. Aujourd'hui, je suis en télétravail. Bah, courage à vous hein, pour tous ceux qui sont en télétravail. Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM, c'est la fréquence qu'il vous faut le matin pour vous sortir du lit, vous emmener au boulot. Chichi, chouchou, chocolat, c'est sur la plage qu'on vous demande ça en général. Bah, c'est l'artiste, le meilleur des souvenirs avec Awa et Mané. Comme Bonnie and Clyde, j'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas taille. Baby, alors, on va où? On fait quoi? On s'enfuit où? Loin d'ici, on est là. On est si différents, c'est ce qui nous attire. Bang, bang, bang, on tout s'attire. Viens avec moi si t'es prête à partir. Je veux pas rester là, ils veulent nous asservir. Baby, alors, on va où? On fait quoi? On s'enfuit, loin d'ici. Bon, on y va. Si ça ne va pas, je me mordrai les doigts. raffine. Sexy raffine. Sexy raffine. Sexy raffine. Chocolat. Je peux vous dire sous la douche ou alors dans la bagnole le matin pour aller au taf, ça fait du bien le meilleur des souvenirs avec l'artiste chaud, chaud, chocolat, chichi, chouchou. Ça me rappelle la plage, hein. Bientôt peut-être là pour vous les vacances d'été qui approchent à grands pas. Ouais. Quelle est votre destination? Bah tiens, rappelez-moi 02 38 43 48 00. En tout cas sa destination, il sera là demain dans les studios. Et là forcément ça va vous rappeler des souvenirs les anciens. Et... Il s'appelle Peter, dit Jean-Pierre Savelli. Nouvel album qui arrive pour lui, 40 ans de carrière. Alors il a chanté la bande originale du dessin animé Goldorak, Xor ou encore Albator. Ouais, dans les années 80, il a fait la Star 80, la tournée planétaire, on va dire. Et ben il sera dans les studios demain, Peter Eston, Peter le chanteur, dit Jean-Pierre Savelli, pour nous parler de sa belle carrière et puis aussi des nouveaux projets qui arrivent. Merci à Tillade qui a été bien gentil de nous récupérer. Voilà, demain, en interview, en direct à la radio, Jean-Pierre Savelli, Peter de Peter et Sloan, sera dans les studios de la radio Arc-en-Ciel. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir de le recevoir, franchement, du son, du vrai son, bah ouais, à l'ancienne, demain. Ne ratez pas ce bel interview. Bah là, c'est carrément une autre dimension. On est bien. Naps, Gims, toute la troupe arrive. Et Best Life. C'est ma bingo. Moi je prends des selfies jusqu'à Porto Rico. J'avais la NG, je volais jusqu'à l'NG. J'ai le temtem, j'ai mis le sac à l'NG. Et la Zina, elle s'habille tout en Fendi. J'suis sur TikTok, elle fait la danse des bandits. J'suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Comme quand j'me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir, t'es relou, t'as le sang imbibé. La première tu crois, tu l'appelles mon bébé. J'suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Quand j'me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir t'es relou, t'as le sang imbibé. La première que tu crois, tu l'appelles mon bébé. Laisse-moi vivre ma best life. Ma best life. En Bentley, j'voulais vivre ma best life. J'étais dans la baraque, la voiture au garage, je prends ton avion sur Paname. J'ai le vague à l'âme, ça m'a touché, j'ai l'alarme. Tu peux fumer, j'ai mis la soquette sur l'alarme. Qui t'a dit que j'étais fauché? Je viens d'atterrir au bouger. Dans le fantôme accoudé, je les vois tous jalousés. Je suis très organisé, des petits chats m'aient bougé. Je suis en plein plein tout l'été, le rond, j'ai pas fêté. Je suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Je me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir t'es relou, t'as le sang imbibé. La première que tu croises, tu l'appelles mon bébé. J'suis dans des bails de fou, tu vois, c'est pas compliqué. Quand je me jette dans la foule et qu'ils allument les briquets. Ce soir t'es relou, t'as le sang imbibé. La première que tu croises, tu l'appelles mon bébé. Je sais que t'en veux encore. Je vais serrer ton petit corps pour mieux sentir ton cœur. Je te connais par cœur, je sais qu'on veut encore. Je vais serrer ton petit corps pour mieux sentir ton cœur. My best life. Toute la troupe, hein. Naps, Gims, Best Life. Heureux d'être avec vous, c'est Frankie dans la radio. Christine, qui souhaite un bon anniversaire à son mari, qui fête ses 53 ans aujourd'hui. Pascal, happy birthday, bien bonheur. Ça, on adore sur la radio. Enfin, c'est le Kenji qui arrive. On aura Indochine. Et puis mon pote, Alex Le Bay aussi, qu'on a reçu hier à la radio avec son tube. I feel fine sound. Belle journée et bon réveil. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. The shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this rising valley. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out now. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into deeper down. If we build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's at a couple of clocks, and there won't be a party with the weather in frost. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out now. We're sighing without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothing's left behind. Deeper down. Deeper down. Ah, j'adore ça. Ça, je roulerai là sur la tangentielle, les fenêtres ouvertes. Écoutez, Diavleur, ah, on adore. 7h53 minutes. Laetitia qui est arrivée sur la console 96 de FM du côté de Saran. Salut, belle journée, Francky. Merci à vous aussi. Merci d'être là. Et il était là hier dans les studios. Et on adore. Vous allez voir, ça ressemble à du Indochine. Il s'appelle Alex Le Bay. Il est sur les plus grandes radios en ce moment en rock. Et ça me fait plaisir de l'avoir reçu hier. Alex Le Bay, écoute. M'a frôlé presque nu. J'ai senti comme une vague de chaleur, comme si d'un coup j'avais un cœur. sera à mes côtés, unis, soudés, plus que jamais. Si tu savais toutes mes envies, que plus jamais. Je m'en lasse pas de ce mec. L'Orléanais Alex Lebail, il était hier dans les studios. Il est sur les plus grandes radios rock de France. I think a song, et je peux vous dire, c'est vrai que ça ressemble un peu à un Luadochine, et on adore. Hein. On était les premiers à vous le faire découvrir. Et on est heureux aujourd'hui de vous faire découvrir des sons de la région centre. Et on est fiers de lui, mon petit Alexandre, qui reviendra avec son nouvel album, nous le présenter dans les studios de la radio. Salut mon poteau qui nous écoute. Salut du côté de Jarjo, ça bouge un peu sur le pont. Bah ouais, tut, un petit coup de klaxon. Les remix 2022, la Madone qui revient. Avec Like a Prayer, 7h56, belle journée, bon courage pour vous si vous êtes dans les bouchons, allez, tip, avance, connard. Sortir en boîte ce week-end. Non, vous n'êtes pas sur FG, hein. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Bientôt 8h, l'horoscope qui arrive en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, le ciel va briller, le soleil est là et on en parle tout de suite, justement. La météo. La météo, aujourd'hui, le ciel est bleu. et ensoleillé, quasiment pas de nuages. Les températures au lever du jour sont un petit peu fraîches, hein, 7-8 degrés, mais ça sera la température la plus chaude aujourd'hui, 22-23 degrés sur Orléans, Saint-Privé-Saint-Mémin, Jargeau ou encore Feuillé-aux-Loges. Ça va être le jour de la semaine le plus chaud aujourd'hui. Demain, on va descendre un petit peu, 21 degrés du soleil. Samedi, encore un petit peu de soleil, hein, ça va descendre à 19-18 degrés, mais c'est plutôt pas mal. Dimanche, ça va pas terrible, ça va être couvert. Pas de pluie, mais ça va être couvert. En tout cas, histoire de passer un bon week-end sous le soleil, ça c'est quasiment sûr, vu les dires de Météo France. La semaine prochaine, ça devrait continuer sous le soleil lundi et mardi, ça de se dégrader à partir de mercredi. Voilà, pour l'instant, ça va, tout va bien. Si vous avez prévu le barbecue, alors sortir en boîte ou dans les restos, les bars, eh bien, allez-y, foncez, tête baissée. Allez faire vivre les petits commerçants qui méritent. Ouais, allez, un petit boîte, un petit resto ce week-end, ça fera du bien, et un petit bar avant. Voilà, c'est le programme que je vous ai programmé aujourd'hui. Puis du son qui arrive, et on adore Kenji, le nouveau. Ben ouais, Kenji Chirac, son grand, grand retour. Olé, belle journée, 8h, juste avant l'horoscope. Voici Kenji. Je ne joue pas au conquistador. Tu le sais déjà comme je t'adore. Tu vas pas aimer mi amor. Quand je joue, c'est pour la médaille d'or. Quand tu bouges sans lâcher mon regard, sur ta bouche j'imagine des histoires. Si tu boudes, ne le fais pas ce soir. Quand je joue, c'est jamais au hasard. C'est jamais au hasard. Ça peut commencer comme ça, mais jamais finir. Tu sais, on sait pas. Le feu, c'est un pas comme ça. On va pas mentir, on le sait déjà. Moi, j'oublie tout quand tu danses. C'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Tu n'as pas raison, je n'ai pas tort. Si je te dis non, tu ne seras pas d'accord. Dans mon cœur, toi, tu voles encore. Je te promets, je vais rester fort. Je vais rester fort. Allez, j'avais déjà donné, on m'avait déjà tout repris. Je pourrais tout abandonner si on me l'avait dit. Encore, encore, de trop. On pourrait s'en aller là-bas, toi et moi. Ça peut commencer comme ça, mais jamais finir. Tu sais, on sait pas. Le feu, c'est un pas comme ça. On va pas mentir, on le sait déjà. Moi, j'oublie tout quand tu danses. C'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Allez, laï, laï, laï, laï, laï. Moi j'oublie tout quand tu danses. C'est comme une évidence. J'ai perdu la patience. Allez, laï, laï, laï, laï. Yalla, hop, 8h03 sous le soleil de l'Espagne. Avec Conquistador, le nouveau Kenji Girac. Heureux d'être avec vous, c'est Francky dans la radio. On vous souhaite une belle journée avec le soleil qui arrive et l'horoscope sur Radio Arc-en-Ciel. L'horoscope, c'est maintenant. Eh oui, c'est maintenant l'horoscope et on démarre avec les béliers. Votre vie sentimentale sera plutôt agitée aujourd'hui. Les taureaux, tenez compte des conseils de votre partenaire. Cela peut vous aider ce matin. Les gémeaux, d'ordinaire peu démonstratifs dans vos relations, vous libérerez vos sentiments et vos émotions aujourd'hui. Les cancers, vous saurez apprécier les qualités de votre partenaire aujourd'hui. Les lions, célibataires ou en couple, vous vous épanouirez sans être entravé inutilement. Les vierges, vous aurez tendance à imposer votre façon de voir les choses et votre partenaire n'appréciera pas. Les balances, vous consoliderez les liens que vous unissent vous et votre partenaire. Les scorpions, les astres favoriseront les aventures amoureuses des célibataires. Ah, les célibataires, bah foncez à la machine à café aujourd'hui, peut-être la chance de votre vie. Les sagittaires, vous devrez rompre avec certaines habitudes. Et oui, les habitudes, ce n'est pas toujours très très très bon. Les capricornes, ouvrez les yeux, votre vie conjugale va bénéficier d'un bon coup de pouce ce matin. Les verseaux, vous aurez envie de redonner un second souffle à votre relation sentimentale. Et enfin, les poissons, vous vous compliquez la vie pour rien. Alors, positivez et avancez. Voilà, avancez avec Soul King qui arrive et on adore sur Radio Arc-en-Ciel. Soit les mentes, forcément, vous adorez. Votre réveil matin, c'est Francky. I'm never been so high. Follow me to the dark. Love Me Like You Do pour certains ou certaines, surtout 51 degrés, ça vous parle? Ah ouais, la bande originale. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio en direct jusqu'à 9h. Ça me fait vraiment zizi à la famille. Bandi à la planète, on est là et on est en direct. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Cocorico, je sais, je fais mal le coq. En tout cas, une soirée à ne pas rater. Radio Arc-en-Ciel vous présente son bal, c'est ce samedi, à Saint-Privé, Saint-Mémin, la salle des fêtes, à partir de 21h, la grosse soirée Radio Arc-en-Ciel avec sur scène la grande chanteuse Agatha et le groupe Capa Negra seront là pour vous animer, vous ambiancer cette belle soirée. Samedi soir, 21h, salle des fêtes de Saint-Privé, Saint-Mémin, le bal de la radio. On vous attend nombreux et nombreuses, l'entrée de 10 euros sur place ou 8 euros pour les adhérents. Si vous êtes adhérent de la radio, justement, si vous voulez devenir adhérent, eh bien appelez-moi justement. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard pour devenir adhérent. Je vous donnerai les coordonnées de la bonne personne à joindre. Venez soutenir et aider notre belle radio qui existe depuis 34 ans. Ça passe, hein? Francky dans la radio jusqu'à 9h, le meilleur des souvenirs pour bien vous réveiller. Le son des îles avec Passy, laisse parler les gens. Hey yo! Yeah man, special combination, Justin Shella, original show. Yeah man, respect on time. Laissons parler les gens, laisse parler les gens. Moi je viens d'Afrique et tu viens d'ailleurs. Et alors, je viens des Antilles et moi je vais ailleurs. Et alors, on dit que chez toi les hommes sont tous beaux parleurs. Et alors, on dit du mal sur vos hommes et leurs valeurs. On s'en fout. Contactez le 02 38 43 48 00. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. Allez, je prends ma petite guitare, on y va. Alors, en solo, ce matin, 8h19, Los Lobos, il meurt à la fin. Ah ouais, si vous n'avez pas le film pour Pipo ou Stromae qui arrive avec Santé sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, courage à vous pour le taf. Ça y est, c'est le week-end qui approche aujourd'hui jusqu'à 22 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Allez, à la vôtre, Stromae, maestro, à l'endroit, à l'envers, comme vous voulez. Et Santé, à la vôtre, ce matin, au petit cocktail, sans alcool. Petit jus de fruits là au bord de la piscine peut-être, ou alors au bureau. Vous nous écoutez, on adore. Belle journée, bon courage à vous pour le taf. À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Bonne manière, pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez, mieux vaut ne pas si frottez. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les peurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Clin d'œil avec le Belge, bah oui, les Belges, hein. Stromae. Alors Stromae, à l'autre côté, ça fait Maestro, là, qui a repris la scène, ça fait plaisir de le retrouver. Et attention, hein, si vous allez aux urgences, il y a la grève, hein, depuis un mois, des urgentistes, hein, des infirmiers, puis des médecins, il y en a même qui veulent partir de l'hôpital, tellement qu'ils en ont ras le bol, ils sont en pleine négociation, et ça n'aboutit toujours pas, donc les urgences, tranquille, parce que pour l'instant, ils prennent vraiment les cas ultra urgents. Du soleil qui arrive avec Kenji et Nomi Lasmas, sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, bon réveil. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Bah oui, je dis bon réveil parce qu'il y en a qui viennent juste de se réveiller, qui commencent à 10h par exemple, 8h23 minutes. Soprano, Mélas Bras avec Kenji. Depuis que tu...

paranoïaque. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Je suis dans ma paranoïa. Paranoïaque. Laissez-moi sur ma route, j'en ai plus rien à foutre. Rien à foutre, je tente ma chance. Je veux rentrer dans la légende. Les meilleurs sons latinos. Que 20 ans. Eh ouais, Latin Lovers avec la camisa negra. Bon courage à vous si vous allez au taf aujourd'hui. Mais sous le soleil, ça c'est la très bonne nouvelle. Et en plus, le soleil de la Jamaïque qui arrive avec le son des années 80 et le Jimmy Cliff, Reggae Night, Yeman. Yeah, got to look Ce matin, ouais, à la fraîche, avec Jimmy Cliff, le meilleur de la musique, histoire de se rappeler des bons souvenirs, le son Latina, Reggae. Ça, c'était les débuts du Latino, hein. Bah ouais, on adore sur Radio Arc-en-Ciel. Courage à vous, si vous voulez d'arriver du côté d'Orléans, si vous voulez devenir adhérent de la Radio Arc-en-Ciel, eh bien, vous m'appelez là tout de suite, 02 38 43 48 00, et 20 balles à l'année, franchement. Et vous devenez adhérent de la grande famille depuis 34 ans de Radio Arc-en-Ciel. Vous allez bénéficier de belles avantages, notamment du bal, par exemple, de la radio, qui a lieu samedi là avec sur scène Agatha et Capa Negra, l'entrée de 10 euros et pour les adhérents 8 euros. Bah voilà, un des avantages que vous allez pouvoir profiter. On vous donne rendez-vous samedi à 21h à Saint-Privé, Saint-Mémin, cette belle salle des fêtes avec sur scène Agatha et Capa Negra. Les débuts de Maître Gims, ouais, on l'appelait comme ça à l'époque, Maître Gims, avec la section d'assaut, et on les adore. Voici ma direction, belle journée, bon réveil. J'ai troqué mes études contre un disque de platine, tout en sachant tout tard pour public de pétine. J'ai vu les choses en grand, j'ai du grand, j'ai du talent. Je reste sur mes gardes, je ne suis qu'un homme. Ça casse sur mon image, donc c'est des canons. Tout ça peut faire pour moi, ce qui dit est la parole. J'ai pété les plombs, j'ai pété les plombs. J'ai quitté l'école, j'ai quitté l'école. Si seulement tu savais, si seulement tu savais, tout le mal que je garde. Les sonneries, les bruits de chaises, moi chercher d'autres styles de richesse. Du journal d'Anne Frank à Sweet Bridget. J'ai jamais kiffé lire depuis que j'ai 12 piges. Malgré les ratures, je gratte le papier. C'est ma direction, je me suis pas éparpillé, plaqué. Plus d'une fois, dos au revenu, trop fier pour demander de l'aide au RMI. Les straves en guise de mythe, les straves en guise de but, traînés par les fils de tu. Je me souviens qu'à la base, on voulait même pas toucher de blé. Ça rappelle ça quand on s'entassait de chez blanc. Tu connais pas Tipro, Crit, Cell Pro. J'écrivais dans le chrome avant d'aller me casser le dos. Aujourd'hui tout ça n'aurait pas de sens. Sans tous ces sacrifices, sans cette passion. C'est ma direction. J'ai pété les plombs sans abandonner ni baiser les pas. Plus nouvelle, pas très faible, malédiction. Dorénavant je fais de l'avance. C'est ma direction. Ma direction. Je me remémore les clashs, les concours de rap RS. Dans la rue ça rappe en masse, ça s'appelle d'aller na S. Pour un 16 méga t'agresse, le petit cage nous apaise. Nos voix, nos mains s'élèvent quand les flics ça nous rabaisse. Le rêve est à nos pieds, ton condor tête baisse. fraîche. On baigne dans les richesses, mais nos lettres restent sèches. Je vis de ma passion car tous mes tarpes déplaisent. On cherchait de la reconnaissance, on voulait pas parler d'espèce. Maintenant on boudeur la reste, même si nos passés les baissent. Ça veut acheter des caisses, attaquer le marché des steaks. Si on a autant ramé, c'est pour être stock à l'arrivée. Pour bien stacker les strements qui voulaient nous faire chavirer. Mais ça tarde, j'ai quitté pour mieux déplacer des montagnes. Résultat, ma foi baisse, mes autres ont indénombrables. Cherche pas trop la lumière, le soleil brûle ta peau. Oui, le succès te fume, m'appelle tu me rappelles. J'ai fêté les plans sans abandonner ni baisser les bras. Plus nouvelle, pas très faible, malédiction. Dorénavant, je fais de l'avant, c'est ma direction. Ma direction, la section d'assaut, les débuts de Gims. Maître Gims, se redette avec vous, c'est 8h39, c'est Francky dans la radio. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Eh ouais, c'est Francky dans la radio, on vous retrouve tous les jours, 7h, 9h, avec plein de surprises. Et demain, encore une énorme surprise, c'est même plus qu'une énorme surprise, parce qu'il sera dans les studios de la radio arc-en-ciel. Il fait la tournée, Star 80, Jean-Pierre Savelli, si je vous le dis comme ça, ça vous parle pas. On dit, ah, c'est qui Jean-Pierre Savelli? Eh ben, Peter Sloan, Besoin de rien, Envie de toi. Là, ça va peut-être plus vous parler, ça, vous rappelez ça. Vivian. Vous vous rappelez de ce tube planétaire, années 80? Bah oui! Eh bien, il sera demain mon invité. Merci à Tia d'ailleurs qui a bien réussi à nous l'avoir. Demain, en exclusivité, la Star 80 sera la Peter de Peter et Sloan. Alors, pour info, il avait fait dans les années 80 le dessin animé Goldorak, vous savez, c'est lui qui chantait. Albator, c'est lui qui chantait. Et XOR aussi, bah ouais, pour les anciens. Voilà, donc Jean-Pierre Savelli, en exclusivité, il est sur Orléans et il a choisi Radio Français à 8h30 pour un interview parce qu'il fait un nouvel album. 40 ans de carrière musicale, c'est quand même énorme. Eh bien, il sera là pour nous parler de la tournée Star 80, de ses débuts en chanson avec Sloan dans ce titre planétaire Besoin de rien, Envie de toi. Notre invité demain, Peter de Peter et Sloan, Jean-Pierre Savelli, en direct à 8h30 en interview. Les années 80, bah ça arrive avec Images et les démons de minuit. Belle journée, bon réveil. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Bah oui, devenez adhérent, 02 38 43 48 00. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Plein la tête, les années 80, il sera notre invité demain, Jean-Pierre Savelli, Peter Sloan, en direct dans les studios, exclusivité Radio Arc-en-Ciel, la star des années 80, ici dans les studios. Ça sera à 8h30 pour l'interview, à ne pas rater. Voici le meilleur des années 80, 17 semaines au top 50, Images et les démons de minuit. Belle journée et bon réveil, 22 degrés aujourd'hui, sous le soleil de Radio Arc-en-Ciel. Je cherche un peu de chaleur, amène.

Phil Sobed, on adore la radio. Et il arrive, il est dans le starting block, c'est Algemiro qui arrive dans moins de 10 minutes avec le meilleur du solo Portugal. On nous retrouve demain matin, moi je serai là 7h-9h et puis ne ratez pas cet événement aussi, bah ouais, le bal de la radio, je vous en parle tout de suite en direct. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Et c'est Francky qui vous réveille. Et puis samedi soir, on va vous réveiller sur scène avec Radio Arc-en-Ciel, le bal de la radio. C'est samedi à 21h. C'est à Saint-Privé, Saint-Mémin. Sur scène, elle sera là, la grande chanteuse portugaise, Agatha, suivie du groupe Capanegra. Voilà, une belle soirée à ne pas louper, la soirée de la Radio Arc-en-Ciel. Samedi soir à Saint-Privé, Saint-Mémin, c'est à 21h, un espace Radio Arc-en-Ciel et on sera là pour faire la fête avec vous, 21h, samedi à l'espace Montition. Non, c'est pas Montition, c'est Saint-Privé, Algemiro, hein. Ouais, c'est ça, ouais, je confonds parce que des fois on est à Montition, des fois à Saint-Privé. À Saint-Privé, Saint-Privé, Saint-Mémin, la salle, voilà, c'est ce que je voulais me rattraper. Heureux d'être avec vous, Francky, je serai là demain matin, 7h, 9h, et puis un autre événement à ne pas rater. Ouais, ça, on adore, ouais, ouais, moi j'adore, c'est, bah lui, il sera là. Ouais, besoin de rien, envie de toi, demain matin, dans les studios. Jean-Pierre Savelli, Peter et Sloan dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel, ça c'est l'exclusivité. Un bon moment qu'on va passer avec vous demain, donc ne ratez pas ce bel événement demain, 8h30, l'interview de Peter et Sloan, Jean-Pierre Savelli dans les studios de la Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, bon réveil, avec du son qui arrive, et puis Algemiro dans moins de 10 minutes. On vous souhaite une très très bonne journée. Despacito, le petit remix de Francky à la radio. Belle journée, bon réveil. Contactez le 02 38 43 48 00. Calinette Nettoyage, 117 route nationale 45 140 Ingré, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage.